Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, vous auriez une rubrique torche-cul que mes livres y figureraient. Louis-Ferdinand Céline. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Léo Costen, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui, dans la fiction pour affaires sensibles, nous vous racontons l'histoire de Louis-Ferdinand Auguste Destouches, dit Céline, écrivain et médecin, né le 27 mai 1894 à Courbevoie et mort le 1er juillet 1961 à Meudon. Céline est l'un des écrivains français les plus traduits dans le monde, après Marcel Proust. Voici pour les premiers éléments d'une biographie rapide, car à y regarder de plus près, l'œuvre de Céline est l'objet régulier de polémiques violentes en raison de son antisémitisme haineux et de la violence de ses déclarations. Et cela même si ses deux premiers romans, Voyage au bout de la nuit, écrit en 1932 qu'il dédiera à son grand amour Elisabeth Greig et qui lui vaudra le prix Renaudot, puis Mort à crédit, écrit en 1936, sont considérés comme des chefs-d'œuvre littéraires. Louis-Ferdinand Céline, écrivain, ne semble s'épanouir qu'au milieu des invectives, qu'il les profère ou qu'elles soient dirigées contre lui, d'ailleurs. Dans leur ouvrage, Céline Larras le Juif, paru chez Fayard, le philosophe Pierre-André Taguieff et l'historienne Annick Durafour disent que nous ne pouvons plus distinguer chez Céline l'écrivain de l'antisémite obsessionnel. Car l'antisémitisme de Céline n'est pas un accident, non. Il se situe bien au cœur de sa pensée et de son écriture. Pour les deux auteurs, Céline a été pendant l'occupation un collaborateur engagé aux côtés des nazis, et pas seulement par les mots, comme dans ses articles et pamphlets qu'il écrivait dans les journaux collabos, mais aussi par des actes, comme lorsqu'il dénonça aux autorités en octobre 1940 un certain Joseph Hogard, médecin dont il souhaitait obtenir le poste. À la fin de la guerre, après le débarquement allié en Normandie en 1944, Céline s'échappe avec son épouse Lucette et son chat Bébert. Il se réfugie avec tout ce que la France vichiste compte de représentants à Sigmaringen en Allemagne. Puis, l'exil les conduira au Danemark. Condamné par contumace en 1950 pour collaboration, Céline et sa femme Lucette rentreront en France dès l'été 1951. Et c'est à ce moment-là que commence la fiction. Oui, quand Céline s'installe à Meudon et entreprend avec son éditeur Gaston Gallimard une correspondance dans le pur style célinien. Pour nous accompagner dans la seconde partie de l'émission et nous aider à poursuivre notre voyage dans cette œuvre complexe, et pour comprendre aussi cette distance entre le médecin Destouches et l'écrivain Céline, nous recevrons Émile Bramy, écrivain, libraire et galériste, auteur d'une biographie remarquable sur Céline en 2003. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous auriez une rubrique torche-cul que mes livres y figureraient. Louis-Ferdinand Céline, de Léo Costel. Une réalisation de Michel Sidorov. Vive Catherine Calab, putain, celle qui n'aime le matin. Allons, brise, crève le grain. Meudon, le 8 mars 1955. Mon cher Gallimard. Comment ne pas s'étonner que mes livres ne se vendent plus, puisque votre catalogue n'en fait jamais mention? Peut-on saboter un auteur de sa propre maison avec plus de cynisme? Non, n'est-ce pas? Non. Évidemment, vous auriez encore une petite rubrique torche-cul que mes livres y figureraient. Il me semblerait alors que je compte tout de même un peu. Mais rien. Rien. Jamais rien. Votre amie, Céline. Paris, le 14 mars 1955. Chère Céline et cher ami, votre lettre du 8 mars 1955 est plus surprenante encore que les précédentes. Voilà que vous m'envoyez un extrait du catalogue consacré à la collection du monde entier, avec le reproche de n'y pas figurer. J'ai toujours pensé que vous étiez un très grand écrivain français, mais il ne me serait jamais venu à l'idée de faire l'hommage de votre œuvre dans les pages dédiées aux littératures anglo-saxonnes, espagnoles ou italienne. Excusez ma courte vue. votre dévoué, Gaston Gallimard. Un extrait de la correspondance entre l'écrivain Louis-Ferdinand Céline et son éditeur, Gaston Gallimard. Voilà 4 ans, nous sommes en 1955, que l'écrivain est rentré de son exil au Danemark. Il avait fui à la fin de la guerre le peloton d'exécution. Céline avait été condamné pour ses pamphlets antisémites. On ignorait alors son implication dans la collaboration active avec les nazis. De retour en France, Céline, né Louis-Ferdinand Destouches en 1894, se consacre à son œuvre. La parution de son premier roman en 1932, Voyage au bout de la nuit, avait sonné comme un coup de tonnerre dans le monde littéraire, tant il renouvelait le genre, ne serait-ce que par le style. Louis-Ferdinand Céline, médecin, écrivain et antisémite ignoble, ne semble s'épanouir qu'au milieu des invectives qu'il les profère ou qu'elles soient dirigées contre lui. Basta. Vous êtes le père alibi. Vous avez réponse à tout, à côté, de travers, mais réponse. Les librairies marcheront parfaitement si vous vous en donnez la peine. Si vous les sommez en tant que pape de la synagogue, Gallimard, coco, pédé, gaulliste, de faire de la publicité pour mes entretiens avec le professeur Y. Un beau livre, non? J'y ai même mis du génie, au milieu de tous les navets que vous publiez. Ridicule, ce tirage de 6000 exemplaires. Vous tenez à ce que je crève? Vous m'étouffez. Votre dévoué, L.F.C. Cher ami, on semble tomber de la lune quand je pose à votre secrétariat une question pourtant bien honnête, bien élémentaire, bien pertinente. Je vous la pose à votre tour. Où, auprès de quelle organisation, peut-on consulter les chiffres des derniers tirages des livres édités dans l'année ? C'est que, voyez-vous, je m'intéresse à la diffusion de mes œuvres, et plus spécialement à la dernière en date, Entretien avec le professeur Y. Quand on arrive aux précisions, dans telle ou telle administration, on ne trouve plus devant soi qu'une tripotée d'abrutis débiles mentaux bafouilleurs, hébétés par les dernières vacances et déjà tout médusés par les prochaines. Toute cette ignoble racaille belle. Votre très obligé L.F. Destouches. Cher ami, c'est vous qui tombez de la lune. Et puis, vous mélangez tout. Si vous aviez réfléchi quelques minutes avant de poser des questions à mon secrétariat, auxquelles personne ne peut répondre, vous auriez évité de lui faire perdre son temps. Votre question n'était ni honnête, ni pertinente. Il n'y a aucune organisation qui puisse fournir les chiffres exacts des livres édités dans l'année. Quant à vos entretiens, dont je suis, vous n'êtes pas sans le savoir, l'éditeur, j'en ai fait tirer 6000 exemplaires. Mais tirage ne signifie pas vente. Si la critique de votre ouvrage a été bonne, encore faut-il que les lecteurs la suivent. Votre Gaston Gallimard. La correspondance, plus que musclée, entre Céline et son éditeur, a fait l'objet d'une publication à la NRF. Nous y reviendrons. Mais un mot tout de même avant de poursuivre. Il ressort clairement dans les lettres qu'écrit Céline l'angoisse du lendemain, l'angoisse de manquer d'argent, de money, de cash, la provocation et la prétention aussi. Revenons quelques années auparavant en compagnie du professeur Milton Indus. Indus est professeur dans une université américaine. Il admire les romans de Céline. En 1950, il publie aux États-Unis une importante étude sur le romancier. Alors que Louis-Ferdinand Céline croupit dans une prison danoise à la demande du gouvernement français, le professeur entame une longue correspondance avec l'écrivain. Céline libérée, mais pas encore amnistiée, Indus décide de lui rendre visite ainsi qu'à sa femme Lucette. Il réside à Korsør, dans une chaumière près de la mer Baltique. Dernière précision, Milton Indus est juif. Quelle forme tu tiens, Lily? Oh. Une danseuse se doit de travailler son corps. Tu le sais bien. La prison a fait de moi un homme mort physiquement et intellectuellement. Intellectuellement? C'est à voir, Louis. J'ai plus de jus. Je suis un autre homme. Tu vas rebondir. Si je pouvais le faire aussi simplement que toi qui rebondis comme une balle. Je suis boycotté par l'ensemble du monde littéraire de mon pays. Ces écrivaillons de merde. Tous ceux qui étaient de mon bord et qui ont su tourner leur veste à temps. Oui. Un jour, nous rentrerons en France et tu renoueras avec le succès. La lenteur de la justice exaspère ma patience. Je suis de langue française, pas de langue danoise. J'en perds mon vocabulaire. Oh! Bonjour, professeur Indus. Merci pour les gâteries que vous m'avez envoyées alors que je croupissais en prison. Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur Céline. Je vous tends la main gauche, la droite étant occupée à faire sauter ma femme. En tout bien tout honneur, n'est-ce pas? Enchantée, madame Destouches. Lily! Vous venez directement des États-Unis pour me voir? J'ai fait un crochet par Paris. Clichy, Montmartre, mes fiefs parisiens. Une atmosphère, comme dirait mon ami Arletty, qui me manque. Mais pas ceux qui y habitaient et qui en faisaient le charme. Ils m'ont tous trahi. Quel est votre projet, Mr. Indus? Prendre note de nos conversations et en faire un livre. Un livre d'entretien que je pourrais intituler « Céline telle que je l'ai vue ». Je veux que vous ne parliez que de mon œuvre. Rien que de mon œuvre, n'est-ce pas? Mes manies, mes aigreurs, mes rancœurs, mes rancunes, si justifiées qu'elles soient, n'intéressent personne. Je vais prendre ma douche. Détrompez-vous. Le cas Céline intéresse tout le monde. Dont les juges de mon pays, qui décidément tardent à m'amnistier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, je vous le demande, hein? Je ne veux pas d'un livre qui m'enfoncerait, c'est clair. Rien fait de mal? Vos ignobles pamphlets antisémites, oh. Monsieur Céline, c'est votre talent au service du mal absolu. La liberté d'opinion, vous en faites quoi? Bon, rentrons et causons. Fernand Destouches, le père de Louis Ferdinand, était anti-juif et anti-franc-maçon, toujours prompt à attribuer aux uns et aux autres ses déboires professionnels. Il lisait La Patrie, journal qui faisait profession d'antisémitisme. En fait, M. Destouches, père, était à l'image de la société française d'avant-guerre, à savoir profondément antisémite. Et le fiston d'anti-juif dormant s'est réveillé un triste jour de 1937 dans la peau d'un féroce anti-juif. 1937, la date de parution de son pamphlet « Bagatelle pour un massacre » dont la lecture soulève le cœur. « Bagatelle pour un massacre » un succès de librairie qui a fait oublier à Céline les déboires qu'a connus son deuxième roman, probablement son chef-d'œuvre, Mort à crédit. En 1938, Céline persiste et signe avec la publication chez De Noël de son pamphlet L'école des cadavres. Voyons maintenant ce que le professeur Indus a à dire à l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Les Juifs, je l'ai déjà dit, sont des hommes comme vous et moi. Des paysans, des capitalistes, des ouvriers, des penseurs, etc., etc. Il y a de tout chez eux, comme chez les catholiques. Des hommes, voilà tout. Alors pourquoi cette haine ? Cette haine qui vous envahit au point d'obscurcir votre discernement si fin dans vos romans. Asseyez-vous donc, vous me donnez le mal de mer. On ne me retirera pas de l'idée que les Juifs, ils les ont drôlement cherchés, les persécutions. Ah, foutre bite ! S'ils avaient moins fait les zouaves sur toute l'étendue de la planète... Les zouaves ? Que voulez-vous dire ? C'est pourtant clair. Non. J'essaie de vous expliquer les raisons pour lesquelles les Juifs et les francs-maçons sont si dangereux. Bon, Juifs et francs-maçons, c'est pareil, n'est-ce pas ? Ils possèdent tout, ils noyautent tout, hier comme aujourd'hui, jusqu'à la révolution bolchévique. Ils sont partout, à Moscou, à New York, à Paris, des fauteurs de troubles, de guerres. Ils tirent les ficelles. Si les Juifs avaient moins fait chier l'homme, je reviens là à mes zouaves. Ils n'auraient peut-être pas dérouillé. Ceux qui, dans les pogroms, les ont un peu pendus, les Juifs. Ils devaient bien avoir des raisons. On avait dû les mettre en garde, ces Juifs. Je vous arrête avant que vous ne prononciez des qualificatifs insupportables. Les paysans et les ouvriers juifs qui dansaient au bout d'une corde, qu'avaient-ils fait pour mériter un tel châtiment ? Et les enfants juifs que les nazis envoyaient dans les chambres à gaz, dites-moi, monsieur Céline, de quel crime on les accusait ? Oh, les chambres à gaz, on exagère beaucoup. Vous vous rendez compte de ce que vous proférez ? De votre responsabilité d'écrivain ? En fait, si vous n'êtes toujours pas rentré en France, c'est que vous avez peur d'être fusillé, comme l'ont été certains de vos collègues, Robert Brasillac par exemple. Dans Bagatelle, vous poursuivez à propos des pogroms, je vous cite, « Les Juifs ont dû user, lasser bien des patiences. » Ça vient pas tout seul, un pogrom. C'est un grand succès dans son genre, un pogrom. Une éclosion de quelque chose. C'est pas bien humainement croyable que les autres, ils soient tous uniquement des fumiers. Ce serait trop joli. Fin de citation. Que d'affirmations gratuites, dangereuses, haineuses. Vous les regrettez ? Mais vous êtes qui ? Pour me juger ? Taper du poing sur la table n'est pas une réponse. Aussi, monsieur Céline, je répète ma question. Est-ce que vous regrettez d'avoir écrit des textes aussi violemment racistes ? C'était dans l'air du temps. Et un succès de librairie, vous me l'avez dit. Des droits d'auteur en masse. L'air du temps, dites-vous, dont hélas, vous avez été l'un des chantres, pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises. Voyons, Louis, tu n'as rien offert à notre hôte. Mmh. Tu manques à tous tes devoirs. Pas même des regrets. Maintenant, il faut que je parte. À sa publication en 1937, Bagatelle pour un massacre est vendu à 75 000 exemplaires. Son éditeur, de Noël, proposera une édition augmentée en 1942 et en 1943. Bagatelle est l'un des titres qui a connu le plus de succès sous l'occupation. Les pamphlets antisémites de Céline ne sont pas des livres censurés en France. Cependant, ils ne sont plus édités depuis 1945, à la demande expresse de l'écrivain. À cette date, il se trouvait en exil, nous l'avons dit, au Danemark, avec son épouse Lucette. En décembre, il est arrêté à Copenhague, où il se cachait. La France, ne parvenant pas à obtenir son extradition, que Céline fait bien évidemment tout pour éviter, son procès se prépare sans lui, et a donc lieu par contumace. Poursuivi pour trahison, il risque la peine de mort. Céline répond aux accusations par écrit et sa position est claire. Il nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Il n'était en rien mêlé à quoi que ce soit sous l'occupation. Il pousse la provocation jusqu'à dire « Dès l'arrivée des Allemands, je me suis complètement désintéressé de la question juive. Je ne me souviens pas d'avoir écrit une seule ligne antisémite depuis 1937. » Les Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que je ne leur ai pas fait et que j'aurais pu leur faire. Eux me persécutent, je ne les ai jamais persécutés. Le démocrate dans toute cette affaire, impeccable, c'est moi. Sauf que Céline publie en 1941 son troisième pamphlet antisémite intitulé « Les Beaux Draps ». Ajoutons pour finir le soutien qu'il apporte à l'Allemagne nazie lorsque celle-ci, en juin 1941, entre en guerre contre l'Union soviétique. Il déclare « Pour devenir collaborationniste, j'ai pas attendu que la commandante Tour s'installe à l'hôtel Crillon à Paris. On n'y pense pas assez à cette protection de la race blanche. C'est maintenant qu'il faut agir, parce que demain, il sera trop tard. » Comparons le juif à un rat. Semblable aux mammifères rongeurs dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples. De même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. Écoutez, jeune homme, qui n'est là que pour vous et qui vous aime comme un père, une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile ou si triomphait le communisme et sa barbarie païenne. Louis-Ferdinand Céline a la chance d'avoir un avocat rusé, maître Jean-Louis Tixier-Vignancourt, ancien vichiste et candidat de l'extrême droite aux élections présidentielles de 1965. Ce dernier obtient son amnistie le 6 décembre 1965. L'avocat, habilement, défend son client, un certain Louis-Ferdinand Destouches, moins connu sous ce nom. Céline, alias Destouches, qui n'a désormais plus de compte à rendre à la justice de son pays, peut rentrer en France. 1951. Retour d'exil. Paul Marteau, un riche industriel et grand admirateur de l'œuvre célinienne, offre l'hospitalité au couple Destouches dans son luxueux hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Ah, mon cher Paul, votre chauffeur est la perfection faite chauffeur. Il nous a conduits partout où nous voulions. Revoir Paris. Quel bonheur après toutes ces années d'exil. Je suis si heureux de vous être agréable. Mais asseyez-vous, mes amis. Toutes ces années ont fait de moi un homme fatigué. Mais j'ai l'impression, mon cher Paul Marteau, que les presque 3 mois que nous sommes déjà chez vous sont comme une pause, n'est-ce pas? Un intermède dans ma colère récurrente, maladive, comme si je l'avais mise entre parenthèses. Vous ne vous asseyez pas, Lucette? J'ai été assise toute la journée dans votre belle voiture, debout, le sang circule enfin, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter le grand Gaston Galimard. Enchanté, madame. Très heureuse de faire votre connaissance, monsieur Galimard. Cher auteur, très honoré. Asseyons-nous et causons. Après signature du contrat que j'ai apporté, vous ferez partie, mon cher Céline, des auteurs de la NRF. 18%. 18% de droit d'auteur, c'est beaucoup. Et une avance substantielle. Vous êtes cher auteur et cher ami. Je puis dire cher ami, n'est-ce pas? Dites ce que vous voulez, mon cher éditeur, pourvu que vous exauciez mes demandes. Vous êtes un grand écrivain. Gourmand. Et je dois entretenir ma maison de Meudon. Qui est en piteux état. Oui, Lily, oui. Beaucoup de travaux en vue, n'est-ce pas? Et puis il me faut nourrir ma petite famille. Sans oublier ma petite ménagerie. Les Destouches ont un vieux chat, Bébert, des chats plus jeunes, un chien et bientôt un perroquet. Nous discuterons du montant de l'avance lorsque j'aurai vu mon comptable. Le plus rapidement sera le mieux, n'est-ce pas? Par ailleurs, comme vous venez d'absorber les éditions de Noël, lesquelles détenaient peu ou prou les droits de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, entre autres, n'est-ce pas? Je souhaiterais que vous recouvriez les ouvrages sous couverture de Noël de la jaquette blanche NRF. Cela fait, vous les proposerez à tous les libraires de notre beau pays. Louis Ferdinand sait toujours ce qu'il veut. Du cash. Je sens que nous allons bien nous entendre. Mes romans d'avant-guerre, c'est du demi-classique, si j'ose dire. C'est de la rente, de la ferme, pas de l'article de mode. Certes, je les proposerai aux libraires. Tout cela dépend d'eux. Mais avant tout des lecteurs, on ne peut jamais forcer une vente. Si, si, si, en faisant de la publicité. Sachez, cher ami, que je suis fier d'être désormais votre éditeur. Dès que nous serons tombés d'accord sur le montant de la première avance, n'est-ce pas, je vous parlerai des romans que j'ai en tête. Mais pas avant. Les romans auxquels Louis-Ferdinand Céline pense sont au nombre de trois, la fameuse trilogie allemande. Tout d'abord, il publie « D'un château l'autre », livre qui lui permet de renouer avec le succès, puis vient « Nord » et enfin « Rigaudon ». Dans « D'un château l'autre », Céline raconte la vie du gouvernement de Vichy en exil à Sigmaringen. Comme toujours depuis « Mort à crédit », le roman s'ouvre sur la description d'un Céline aigri qui se plaint de sa condition, des traîtrises, des divers éditeurs, des prétentions de Tartre, c'est-à-dire du philosophe Sartre, ou de l'écrivain Larengon, alias Louis Aragon. Dans Nord, Céline parle de son périple à travers l'Allemagne en ruine, en compagnie de Lucette, de Bébert et du comédien Robert Le Vigan. Il y a dans cette œuvre de magnifiques pages sur Berlin, la capitale du Reich, dévastée par les bombes alliées. Enfin, Rigaudon raconte la suite de cette épopée. Au fil des parutions, les relations entre l'éditeur et son auteur quelque peu difficiles connaissent peu de hauts et beaucoup de bas. Par ailleurs, Céline rêve de voir son œuvre paraître dans la prestigieuse collection de la Pléiade ainsi qu'au livre de poche. Il n'hésite pas à harceler Gallimard dans ce sens durant les 10 dernières années qui lui restent à vivre. Des échanges épistolaires musclés. Mon cher Gallimard, j'ai l'ambition bien légitime de faire partie de cette galerie d'auteurs publiée au livre de poche. Quelle publicité et gratuite! Quel moyen de toucher enfin la jeunesse! Un mot de vous à la bonne oreille suffirait. Mais voilà, à quelle gang, quelle cellule, synagogue, pissotière, parti, loge faut-il appartenir? Votre ami attentif, L.F.C. Mon cher ami, vous n'aurez pas mon prochain livre, c'est tout, si je ne suis pas à la Pléiade dans 3 mois. Le reste est blabla, fatigue. Je ne crois pas un mot de votre plaidoyer financier pour refuser de m'intégrer dans cette collection destinée à finir dans la bibliothèque d'un notaire de province. Si vous aviez fait un effort publicitaire sur « D'un château l'autre », il s'en serait vendu facilement 60 000. Pingrerie? Frousse? Les deux, sans doute. Rigolade et amitié. L.F. Détouche. Cher ami, mon fils et moi sommes absolument décidés cette fois-ci pour la Pléiade. Dans un premier volume, nous pourrions intégrer « Voyage au bout de la nuit » et quelques autres textes comme « Casse-pipe ». Cela nous permettrait d'envisager un second volume avec « Mort à crédit » et « D'un château l'autre ». Je crois que la publication de cette œuvre est un peu récente pour le livre de poche. Votre bien dévoué Gaston Gallimard. Mon cher Gallimoche, rien ne se passe pour la Pléiade. Rien. Je serai mort avant d'y être. Mes forces déclinent. Les Gallimoches, père et fils, se foutent de moi. Je pose donc les clous. Ne fous plus rien. Laisse tout en plan. À moins de recevoir très vite le contrat Pléiade, 100 fois promis, juré, 100 fois renié. Zéro. Bien, votre ami, vacances. Vacances. Louis. Le ressentiment d'une partie des Français face à Louis-Ferdinand Céline était si fort que la nouvelle de sa mort, survenue le 1er juillet 1961 à Meudon, avait été différée pour éviter toute manifestation. Restait l'œuvre. Pas loin de 60 ans après sa mort, Céline est actuellement parmi les écrivains français du XXe siècle l'un des plus lus. Aussi bien en livre de poche par des jeunes qui ont soif de littérature, qu'à la Pléiade par des lecteurs qui ont envie d'approfondir une première lecture. Mais dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, il y a les pamphlets, insupportables. Ne faudrait-il pas les rééditer, dûment annotés par une équipe de chercheurs, afin que les lecteurs puissent mesurer la responsabilité de l'écrivain ? Le dernier mot à la littérature. Voici quelques lignes extraites du roman Nord. Louis-Ferdinand, Lily, le comédien Robert Le Vigan et le chat Bébert cherchent deux chambres pour la nuit au milieu de Berlin en ruine. Du pur Céline. Lily porte Bébert dans son sac. Tu peux plus marcher sans canne, Robert me demande. Si, je pourrais, mais je suis mieux avec. Mais dis donc, fils, t'as 10 ans de moins. Tu verras un peu dans 10 piges. L'hôtel Baslerhof, nous voici. Le palace, oh, bien écorné entre 2 immeubles absolument en décombre. Juste un balcon qui lui pend. On entre, la réception au milieu d'un grand hall, tout or. Je sors notre petit permis. Stimmt, ça va. Vous voulez une chambre ? 2 chambres, une pour moi, ma femme, et une pour notre ami, là. Ce portier de la grande époque, la redingote plus que vaste, à passementerie très vermicelle, casquette de super-amiral, mais il aperçoit Bébert. Sa tête ! Bébert aussi le regarde. Vous avez un chat ? Foutre, il le voit. Clac, il referme son registre. Il veut plus de nous. Aucun animal n'est admis. C'était « Vous auriez une rubrique torche-cul que mes livres y figureraient. » Louis-Ferdinand Céline, de Léo Kesten. Avec Pierre-Marie Baudouin, Bernard Gabay, François Sienner, Pauline Chevillier, Igor De Savitch, Alain Massé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Émilie Couette, Claude Nior. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff. Rêver, chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à se crever les yeux, choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre, choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus, surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de l'ombre d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps vêtu, écrire, de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface. User de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens, quitte à être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche la forme et le fond, et puis l'œuvre achevée. Tout remettre en question, déchirer d'inquiétude, souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie, et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça. Thank you. Eh ben, je travaille avec les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. C'est que nous sommes à l'époque de la publicité. Bon, c'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Donc, je serai partisan de la modestie, à savoir que ce qui compte, c'est l'objet. Moi, le bonhomme qui l'a fait m'intéresse pas. Les vies romancées, ça m'embête. Quels sont les écrivains que vous sentez les plus proches de vous et ceux qui vous paraissent aux antipodes ? Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein à la rue, n'est-ce pas ? J'en vois partout des histoires. Hein. Plein les commissariats, tout le monde a une histoire. Vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas, chez l'écrivain, un tempérament ? C'est rare un style, monsieur. Un style, il y en a un, deux, trois par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas ? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent « je vois que », etc. C'est pas intéressant. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuit, sans gratuit, et plus de gratuit. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas ? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, vous auriez une rubrique torche-cul que mes livres y figureraient. Louis-Ferdinand Céline. Notre invité, Émile Bramy, auteur d'une biographie de Céline en 2003. Bonjour Émile Bramy. Bonjour. Vous êtes auteur, libraire et galériste. Vous avez écrit plusieurs romans et plus particulièrement sur l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Avec Céline, je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple. Une biographie très intéressante sur cet auteur controversé et dont on va parler. En 2013, vous reprenez rue Borda à Paris, la librairie D'un livre l'autre, à laquelle vous ajoutez une galerie spécialisée dans l'art brut. Voilà, vous venez de terminer un livre intitulé Notre crime aux éditions Écriture qui sortira le 3 janvier 2018. On en dira un ou deux mots à la fin de cet entretien. Mais d'abord sur Céline, dont on a entendu une archive tout à l'heure. À travers la voix, à travers les mots, il y a déjà cette dureté. Moi, en tant que journaliste, j'aurais pas aimé l'interviewer, par exemple, voyez-vous. Ben, c'est un personnage qui est tout à fait multiple et complexe. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir, on peut avoir à certains moments quelqu'un qui est en grande empathie avec les gens, et puis qui peut paraître presque antipathique, comme c'est le cas ici. Alors il faut savoir qu'il n'aimait pas les journalistes, donc toutes les interviews qu'on a de lui sont des interviews assez violentes. Et puis il y a cette idée que la personne qui lui parle est un peu inférieure à lui. Alors, qui était Céline ? Cet auteur qui a révolutionné le roman ou ce collabo antisémite et fasciste ? Bon, la réponse, c'est les deux, évidemment. Vous écrivez vous-même dans votre livre, hein, je cite, « À Meudon, Louis-Ferdinand Céline, raciste biologique en parfait accord avec le docteur Louis Destouches, hygiéniste militant, tricote du pas bien neuf avec du très très vieux. » Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, je veux dire par là qu'en fait, Céline reprend, quand il s'agit d'antisémitisme, à peu près tout ce qui traîne. Bon, son antisémitisme, si on va en parler rapidement, c'est une succession de couches. C'est-à-dire qu'il est né en 1894, au moment où éclate l'affaire Dreyfus. Donc, ensuite, il est nourri par ses parents, qui sont terrorisés par l'arrivée du grand commerce. Il est nourri d'antisémitisme parce que ses parents sont persuadés que les juifs vont les conduire à la faillite. S'ajoute à cela le fait qu'il est médecin, à une époque où on enseigne le fait que certaines races sont supérieures à d'autres et que la race blanche est naturellement au sommet de la hiérarchie. S'ajoute à cela encore le fait que dans les années 30 arrivent beaucoup de médecins d'Europe de l'Est. Et enfin, et peut-être une des raisons les plus importantes, il a connu la guerre de 14 et donc il ne veut pas d'une autre guerre, il est pacifiste. Et son leitmotiv, on va dire à la fin des années 30 et avant la guerre, c'est de dire « je ne veux pas, moi, Français, me battre pour les Juifs ». Voilà. Et donc mieux vaut être sous la coupe des Allemands en paix que d'être en guerre avec eux aussi ? Ben, il dit à un moment, moi j'aime beaucoup Hitler et sa petite moustache, c'est un bon éleveur de peuple. C'est dans Bagatelle. On est toujours frappé qu'un intellectuel comme lui, un cerveau comme le sien, puisse tomber dans des fantasmes si coupables. Alors j'avoue que pour moi, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Comment cet homme, qui a une telle sensibilité, qui écrit d'une telle manière, puisse se laisser aller à ce que le philosophe Bebel appelait le socialisme des imbéciles, c'est pour moi tout à fait incompréhensible. Alors reprenons ensemble la chronologie de l'apparition de ses livres. Son premier roman en 1932, le plus connu de tous, universel, Voyage au bout de la nuit, rencontre un succès critique et populaire énorme. Il sera traduit en russe par Elsa Triolet, la femme d'Aragon, hein, pas la même famille de pensée que Céline, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui recevra des critiques excellentes de la gauche française. Alors quel est ce lien entre Céline et la gauche française? Au départ, Céline joue, si j'ose dire, le fils du peuple. Avec Voyage au bout de la nuit. Donc, il est perçu comme quelqu'un qui appartient au prolétariat. Et d'ailleurs, au moment des interviews, lorsqu'on l'interrogera sur ses origines, etc., il va se présenter comme quelqu'un de pauvre. Et dans une interview, il va même jusqu'à prétendre que son père lavait des trains à la gare de l'Est après son travail dans la compagnie d'assurance qu'il employait. Et les gens ont marché là-dedans. Mmh. Alors que Céline appartenait à une famille relativement aisée, qui n'a jamais connu les malheurs qu'il raconte. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été pauvre de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui, si j'ose dire, donner à ses interlocuteurs ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ouais. Donc, au moment de l'apparition de Voyage au bout de la nuit, on a envie que ce soit quelqu'un qui sort du prolétariat qui raconte cette histoire. Eh bien, il va être celui-là. Alors, voilà ce qu'il écrivait après la défaite de 1940 pour la France. Il disait « Faut pas du grand communisme. Il, les Français, comprendraient rien. » Il faut du communisme labiche, du communisme petit bourgeois avec le pavillon permis, héréditaire et bien de famille, insaisissable dans tous les cas, et le jardin de 500 mètres, et l'assurance contre tout. Tout le monde petit propriétaire. Voyons mesquins, voyons médiocres, nous serons sûrs de ne pas nous tromper. Il y a toujours quelque chose de âcre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. Oui, mais ça c'est, si vous voulez, c'est un extrait des Beaux-Draps. Oui. Qui est, on peut dire, sa seule incursion dans la politique. C'est-à-dire que lorsqu'il écrit Les Beaux-Draps, c'est après la terrible défaite qu'a subie la France, et donc il considère que le pays a touché le fond et qu'il faut maintenant le régénérer. Bon, pas du tout comme l'entend Pétain, parce qu'il trouve que Pétain, c'est vieux, ça sent le moisi, etc. Mais réorganiser totalement la société française avec, si vous voulez, une succession de patriarches, une succession de chefs. Donc il y aura un chef qui sera un chef à la Doriot, vraisemblablement, et en dessous, il y aura le chef de famille, avec ce fameux pavillon inaliénable, avec il dit aussi qu'il faut donner un salaire avec un écart extrêmement réduit entre le dictateur et le plus pauvre, celui qui touche de 1 à 3, si je me souviens bien. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de socialisme, là aussi, mais de socialisme complètement petit bourgeois et totalement impossible, quoi. Bah, il le dit, hein. Voyons mesquins, voyons médiocres, nous serons sûrs de ne pas nous tromper. Bon, alors, son second livre, en 1936, n'aura pas le succès espéré, et pourtant, c'est mort à crédit, ce livre, qui représente aujourd'hui une œuvre forte de la littérature française. Pour moi, c'est, enfin, j'ai une opinion personnelle. Hein. Mmh. Pour moi, c'est le plus grand roman de la langue française. Carrément. Carrément. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi il n'a pas eu cet accueil? Alors, c'est vrai que Voyage au bout de la nuit, il est universel dans ce qu'il nous raconte. Évidemment, surtout en 36, on est entre les deux guerres, quoi. Celui-là est moins universel. Alors, j'ai une théorie qui va faire bondir la plupart des Céliniens. Pour moi, Voyage au bout de la nuit n'est pas un roman de Céline. C'est un roman d'un excellent écrivain qui ferait la gloire de n'importe qui, mais qui est encore un roman qui fait des tas de concessions à la langue, à la forme. Et le but, c'est le roman de quelqu'un de très roué. Le but, c'est d'obtenir un succès important que Céline obtient. Une fois que ce succès a été obtenu, il est persuadé qu'il est installé dans le monde des lettres et que désormais, il peut écrire comme il l'entend. Et donc, le premier roman de Céline, de mon point de vue, ça va faire hurler plein de gens, parce que là, toutes les limites et toutes les volontés qu'il avait au moment où il écrit Voyage au bout de la nuit ont disparu. Et c'est là qu'il entreprend l'espèce de travail extraordinaire qu'il fait sur la langue. Par exemple, de supprimer toutes les conjonctions de coordination et de les remplacer par les trois points. C'est un terme que j'emploie souvent, c'est de vaporiser la langue française, littéralement. Mmh. Et en plus, alors ça c'est juste de mon point de vue, c'est un roman qui a une grâce inexplicable. Un roman comme Nord, par exemple, est techniquement beaucoup plus fort que Mort à crédit. Et pourtant, il y a dans Mort à crédit quelque chose d'indéfinissable. Très bien, Émile Bramy, on va continuer à parler bien sûr de Céline et on va passer par la période la plus sombre, hein, celle de l'occupation, dans 3 minutes. Voici venir la nuit des longs couteaux. Filez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Le blond de les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles ni phares. Venez avant qu'il soit trop tard, on va danser Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Ouais, on va danser Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On va danser Nazi rock, Nazi. Émile Bramy, on en arrive à l'occupation. Alors Céline collabore auprès de la presse la plus réactionnaire. Racontez-nous ces années dans la France occupée avant l'exil. Hein, on reviendra à l'exil après. Si vous voulez, à cause des pamphlets où il annonçait la défaite de la France, Céline devient, au moment de l'occupation, il devient, et c'est comme ça qu'on va l'appeler, il devient le contemporain capital. C'est-à-dire celui qui a tout prévu et tout dit avant. Alors pour la petite histoire, le titre de contemporain capital était attribué à Gide jusque-là. Mmh. Voilà. Et donc il devient une espèce de comment dirais-je, de conscience. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est collaboration. Alors je parle de la collaboration de Paris, hein, pas de la collaboration de Vichy, c'est-à-dire des gens qui sont très très engagés dans la volonté d'instaurer un régime d'ordre fasciste en France. Bon, pour tous ces gens-là, il est une référence. Et d'ailleurs, quand on lit la presse de l'époque, les gens montent littéralement le voir à Montmartre où il habite, et ils redescendent totalement subjugués. Pour prendre un exemple, lorsqu'un journal obtenait une lettre de Céline, il y avait des placards dans le métro qui annonçait que Céline allait, que le journal allait publier quelques lignes de Céline. C'est quelqu'un de très très important. Et c'est quelqu'un qui a aussi l'intelligence, parce qu'il est quand même très très malin, de ne pas directement s'impliquer. La seule fois, il s'impliquera une seule fois auprès de Dorion en écrivant une lettre à l'Émancipation nationale. Mais pour le reste, on va dire qu'il voit les choses de haut et de loin. Oui, mais il sait quand même le poids de sa parole. Ah, bien sûr. Donc il sait le poids de sa responsabilité. Alors, il dira après-guerre, il dira, moi, j'ai jamais écrit un article, je n'ai envoyé que des lettres. Et ces lettres, on les a publiées sans me demander mon avis. Or, les lettres qu'il envoyait, il savait parfaitement que ces lettres allaient être envoyées, et il savait parfaitement qu'il serait plus écouté que d'autres. Donc, si vous voulez, son rôle politique pendant l'occupation n'est pas du tout négligeable, comme il voudra le faire croire par la suite. Ensuite, on va obligé d'aller un peu vite. Hein. Oui, ensuite, oui. C'est Sigmaringen, et puis l'exil au Danemark. Et dans ces années d'exil, Milton Indus, comme on l'a vu dans la fiction, universitaire américain et fou de Céline, va venir le voir pour écrire un livre sur son œuvre. Pourquoi cette fascination d'Indus, juif lui-même, pour cet homme qu'est Céline, antisémite et obsessionnel dans sa haine des Juifs? Alors, je pense que, déjà, Indus ne sait pas exactement qui est Céline quand il va le voir. Non. Oui, non, mais je vous crois. C'est étonnant, mais je vous crois, mais c'est étonnant. C'est étonnant, oui, mais il ne sait pas exactement. D'ailleurs, on lui fait lire, quand il passe à Paris, avant d'aller chez Céline, au Danemark, on lui fait lire Les Beaux Draps, et qu'il a pas lu. Donc, c'est il arrive avec, la sensation d'aller voir un écrivain extraordinaire. Voilà. Et leur rencontre sera une catastrophe parce que immédiatement les deux hommes se détestent. D'ailleurs, Indus finira par écrire « Il m'a rendu aussi fou que lui ». Céline va, pendant tout le séjour de Indus, le sadiser littéralement. Par exemple, Indus a un grand rêve, c'est de se faire photographier avec Céline. Et Céline refusera. Voilà. Et il lui fera faire des voyages, enfin des allers-retours entre son hôtel et chez lui. Il le recevra pas. Et la personne qui fera le tampon entre les deux, c'est l'épouse de Céline, Lucette Almanzor. Mais c'est une rencontre. Au départ, ce sont des compliments extraordinaires de l'un à l'autre. Et dès qu'ils se voient, plus rien ne fonctionne. Bon, alors, il rentre en France avec des valises lourdes, hein, c'est ce qu'on puisse dire, et une réputation. Comment il gère ça? Alors, il est absolument persuadé, lorsqu'il revient, il revient avec un livre qui est féerique. Et il est absolument persuadé que ce livre va lui redonner sa place dans le monde littéraire. Il pense, par exemple, qu'il va vendre 300 000 exemplaires. Il l'écrit, d'ailleurs. Il signe avec Gaston Gallimard le plus extraordinaire contrat qu'ait jamais signé un auteur français jusqu'à ce jour. Quelle histoire avec Gallimard aussi. Oui, quelle histoire, mais on n'a pas le temps. Et si vous voulez, c'est une catastrophe parce que Ferry se vend à 6 000 exemplaires, c'est-à-dire à l'époque ce que fait un petit débutant pour un premier livre. Et donc il se rend compte qu'il n'est plus rien, littérairement. Et ensuite, tout ce qu'il voudra faire, c'est retrouver cette place. Et cette place, il va la retrouver avec... La trilogie ? Avec D'un château l'autre, le premier roman de la trilogie. Et D'un château l'autre est un roman volontairement provocateur. C'est-à-dire, il s'agit, avec D'un château l'autre, de ramener l'histoire de Sigmaringen et de faire en sorte que on revienne sur une plaie qui est en train de se refermer. Lui va réouvrir, mettre du sel là-dessus, et donc il va avoir ce qu'il espérait, à savoir la presse, le fameux article de l'Express, enfin, et retrouver un lectorat qu'il avait perdu. Est-ce que vous auriez aimé le connaître? Alors, je vais entrer dans une nuance. Oui. J'aurais aimé le rencontrer, oui. C'est parce que c'est un personnage tout à fait hors du commun. Je ne crois pas que j'aurais aimé être son ami, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a un défaut majeur, c'est que il n'a pas d'amis. Voilà. Et les gens qui sont proches de lui, à un moment ou à un autre, il en dit toujours du mal. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est, pour moi, c'est le défaut. Mais je veux dire, aller voir un personnage de ce calibre, oui, certainement. Je tiens dans ma main votre roman qui va sortir au mois de janvier, c'est ça? Oui. Notre crime, c'est un polar ou c'est pas un polar? Pas du tout. Hein? Non, non. Bon, c'est... Voilà. C'est un livre sur le mensonge. Bon, bah écoutez, aux éditions Écriture, donc Notre crime d'Émile Bramy, en janvier prochain. Merci Émile Bramy, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, vous auriez une rubrique torche-cul que mes livres y figureraient Louis-Ferdinand Céline. Une fiction écrite par Léo Costen, réalisée par Michel Sidorov et Al Niro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Jean-Philippe Jeanne.